Chapitre 181e, un conseil de Cagliostro. Le soir de cette terrible journée, et tandis que les hommes à pic parcouraient les rues désertes et illuminées de Paris, rendues plus tristes encore par leur illumination, en portant au bout de leurs armes des lambeaux de mouchoirs et de chemises tachés de rouge, et criant « Le tyran est mort, voilà le sang du tyran !» deux hommes se tenaient au premier étage d'une maison de la rue Saint-Honoré dans un silence égal, mais dans une attitude bien différente. L'un, vêtu de noir, était assis devant une table, la tête appuyée entre ses mains, et plongé soit dans une profonde rêverie, soit dans une profonde douleur. L'autre, vêtu d'un costume de campagnard, se promenait à grands pas, l'œil sombre, le front plissé, les bras croisés sur la poitrine. Seulement, chaque fois que, dans sa marche qui coupait diagonalement la chambre en deux, celui-ci passait près de la table, il jetait à la dérobée sur l'autre un regard interrogateur. Depuis combien de temps étaient-ils ainsi tous deux? Nous ne saurions le dire, mais enfin, l'homme au costume campagnard, aux bras croisés, au front plissé, à l'œil sombre, parut se lasser de ce silence, et s'arrêtant en face de l'homme en habit noir et au front appuyé entre ses mains. « Ah ça, citoyen Gilbert, » dit-il en fixant son regard sur celui auquel il s'adressait. « C'est donc à dire que je suis un brigand, moi, parce que j'ai voté la mort du roi ?» L'homme à l'habit noir releva la tête, secoua son front mélancolique et tendant la main à son compagnon. « Non, Billot, vous n'êtes pas plus un brigand que je ne suis un aristocrate. Vous avez voté selon votre conscience, et moi j'ai voté selon la mienne. Seulement j'ai voté la vie, et vous avez voté la mort. Or, c'est une chose terrible, que doter un homme, ce qu'aucun pouvoir humain ne peut lui rendre. » « Ainsi, à votre avis, s'écria Billot, le despotisme est inviolable. La liberté est une révolte et il n'y a de justice ici-bas que pour les rois, c'est-à-dire pour les tyrans. Alors, que restera-t-il au peuple? Le droit de servir et d'obéir. Et c'est vous, monsieur Gilbert, l'élève de Jean-Jacques, le citoyen des États-Unis, qui dites cela? Je ne dis point cela, Billot, car ce serait proférer une impiété contre les peuples. Voyons, reprit Billot. « Je vais vous parler, moi, monsieur Gilbert, avec la brutalité de mon gros bon sens, et je vous permets de répondre avec toutes les finesses de votre esprit. Admettez-vous qu'une nation qui se croit opprimée ait le droit de déposséder son église, d'abaisser ou même supprimer son trône, de combattre et de s'affranchir, sans doute? Alors elle a le droit de consolider les résultats de sa victoire. Oui, Billot, elle a ce droit, incontestablement. » Mais on ne consolide rien avec la violence, avec le meurtre. Souvenez-vous qu'il est écrit « Homme, tu n'as pas le droit de tuer ton semblable. » « Mais le roi n'est pas mon semblable à moi, » s'écria Billot. « Le roi, c'est mon ennemi. » Je me rappelle, quand ma pauvre mère me lisait la Bible, je me rappelle ce que Samuel disait aux Israélites qui lui demandaient un roi. Je me le rappelle aussi, Billot. Et cependant, Samuel sacra Saül, mais ne le tua point. Oh, je sais que si je me jette avec vous à travers la science, je suis perdu. Aussi, je vous dis tout simplement ceci. Avions-nous le droit de prendre la Bastille? Oui. Avions-nous le droit, quand le roi a voulu enlever au peuple sa liberté de délibération, de faire la journée du jeu de pommes? Oui. Avions-nous le droit, quand le roi a voulu intimider l'assemblée constituante par la fête des gardes du corps et par un rassemblement de troupes à Versailles? Avions-nous le droit d'aller chercher le roi à Versailles et de la ramener à Paris? Oui. Avions-nous le droit, quand le roi a tenté de s'enfuir et de passer à l'ennemi, avions-nous le droit de l'arrêter à Varennes? Oui. Avions-nous le droit, quand, après la constitution de 1791 jurée, nous avons vu le roi parlementer avec l'émigration et conspirer avec l'étranger, avions-nous le droit de faire le 20 juin? Oui. Lorsqu'il a refusé sa sanction à des lois émanées de la volonté du peuple, avions-nous le droit de faire le 10 août, c'est-à-dire de prendre les Tuileries et de proclamer la déchéance? Oui. Avions-nous le droit, lorsqu'enfermé au temple, le roi continuait d'être une conspiration vivante contre la liberté, avions-nous ou n'avions-nous pas le droit de le traduire devant la Convention nationale nommée pour le juger? Vous l'aviez. Si nous avions le droit de le juger, nous avions le droit de le condamner. Oui. À l'exil, au bannissement, à la prison perpétuelle, à tout, excepté à la mort. Et pourquoi pas à la mort? Parce que, coupable dans le résultat, il ne l'était pas dans l'intention. Vous le jugez au point de vue du peuple, vous, Mon cher Bio, il avait agi, lui, au point de vue de la royauté. Était-ce un tyran, comme vous l'appelez? Non. Était-ce un oppresseur du peuple? Non. Un complice de l'aristocratie? Non. Un ennemi de la liberté? Non. Alors, vous l'avez jugé au point de vue de la royauté, vous? Non. Car au point de vue de la royauté, je l'aurais absous. Ne l'avez-vous pas absous en votant la vie? Oui, mais avec la prison perpétuelle, Bio. Croyez-moi, je l'ai jugé plus partiellement encore que je n'eusse voulu. Homme du peuple, ou plutôt fils du peuple, la balance que je tenais dans ma main a penché du côté du peuple. Vous l'avez regardé de loin, vous, Bio, et vous ne l'avez pas vu comme moi. Mal satisfait de la part de royauté qu'on lui avait faite, tiraillé d'un côté par l'Assemblée, qui le trouvait trop puissant encore, de l'autre par une reine ambitieuse, de l'autre par une noblesse inquiète et humiliée, de l'autre par un clergé implacable, de l'autre par une émigration égoïste, de l'autre enfin par ses frères s'en allant à travers le monde pour chercher en son nom des ennemis à la Révolution. Vous l'avez dit, Bio, le roi n'était pas votre semblable, c'était votre ennemi. Or, votre ennemi était vaincu, et l'on ne tue pas un ennemi vaincu. Un meurtre de sang-froid, ce n'est pas un jugement, c'est une immolation. Vous venez de donner à la royauté quelque chose du martyr, à la justice quelque chose de la vengeance. Prenez garde, en faisant trop, vous n'avez pas assez fait. Charles Ier a été exécuté et Charles II a été roi. Jacques II a été banni et ses fils sont morts dans l'exil. La nature humaine est pathétique, Bio, et nous venons d'aliéner de nous pour 50 ans, pour 100 ans peut-être, cette immense partie de la population qui juge les révolutions avec le cœur. Ah, croyez-moi, mon ami, ce sont les républicains qui doivent le plus déplorer le sang de Louis XVI, car ce sang retombera sur eux et leur coûtera la République. Il y a du vrai dans ce que tu dis là, Gilbert, répondit une voix qui partait de la porte d'entrée. Les deux hommes tressaillirent et se retournèrent d'un même mouvement, puis d'une même voix. Cagliostro, dirent-ils. Eh mon Dieu, oui, répondit celui-ci. Mais il y a du vrai aussi dans ce que dit Bio. Hélas, répondit Gilbert, voilà le malheur. C'est que la cause que nous plaidons a une double face et que chacun, en l'envisageant de son côté, peut dire « j'ai raison ». Oui, mais il doit aussi se laisser dire qu'il a tort, reprit Cagliostro. Votre avis, maître ? Demanda Gilbert. Oui, votre avis, dit Bio. Vous avez tout à l'heure jugé l'accusé, dit Cagliostro. Moi, je vais juger le jugement. Si vous aviez condamné le roi, vous auriez eu raison. Vous avez condamné l'homme, vous avez eu tort. Je ne comprends pas, dit Bio. Écoutez, car je devine, moi, dit Gilbert. Il fallait tuer le roi, continua Cagliostro. Comme il était à Versailles ou aux Tuileries, inconnu au peuple, derrière son réseau de courtisans et son mur de Suisse. Il fallait le tuer le 7 octobre ou le 11 août. Le 7 octobre, le 11 août, c'était un tyran. Mais, après l'avoir laissé 5 mois au temple, en communication avec tous, mangeant devant tous, dormant sous les yeux de tous, camarade du prolétaire, de l'ouvrier, du marchand, élevé, par ce faux abaissement, à la dignité d'homme, enfin, il fallait le traiter en homme, c'est-à-dire le bannir ou l'emprisonner. Je ne vous comprenais pas, dit Bio à Gilbert, et voilà que je comprends le citoyen Cagliostro. Et sans doute, pendant ces 5 mois de captivité, on vous le montre dans ce qu'il a de touchant, d'innocent, de respectable. On vous le montre bon époux, bon père, homme bon, les niais. Je les croyais plus forts que cela, Gilbert. On le change même, on le refait. Comme le sculpteur tire la statue du bloc de marbre à force de frapper dessus, à force de frapper sur cet être prosaïque, vulgaire, point méchant, point bon, tout entier à ses habitudes sensuelles, dévoué étroitement à la manière non pas d'un esprit élevé, mais d'un marguillier de paroisse. Voilà qu'on nous sculpte dans cette lourde nature une statue du courage, de la patience et de la résignation. Voilà qu'on met cette statue sur le piédestal de la douleur. Voilà qu'on élève ce pauvre roi, qu'on le grandit, qu'on le sacre. Voilà qu'on arrive à ce que sa femme l'aime. Ah, mon cher Gilbert, continua Cagliostro en éclatant de rire, qui nous eût dit, au 14 juillet, au 5 et 6 octobre, au 10 août, que la reine n'aimerait jamais son mari. Oh, murmura Bio, si j'eusse pu deviner cela. Eh bien, qu'eussiez-vous fait, Bio? Demanda Gilbert. Ce que j'eusse fait, je l'eusse tué, soit au 14 juillet, soit au 5 et 6 octobre, soit au 10 août. Cela m'était bien facile. Ces mots furent prononcés avec un si sombre accent de patriotisme que Gilbert les pardonna, que Cagliostro les admira. Oui, dit ce dernier après un instant de silence. « Mais vous ne l'avez pas fait. Vous, Billot, vous avez voté pour la mort. Vous, Gilbert, vous avez voté pour la vie. Eh bien maintenant, voulez-vous écouter un dernier conseil ? Vous, Gilbert, êtes fait nommer membre de la Convention que pour accomplir un devoir. Vous, Billot, que pour accomplir une vengeance. Devoir et vengeance, tout est accompli. Vous n'avez plus besoin, ici, partez. » Les deux hommes regardèrent Cagliostro. « Oui, reprit-il, vous n'êtes ni l'un ni l'autre des hommes de parti. Vous êtes des hommes d'instinct. Or, le roi mort, les partis vont se trouver face à face, et une fois face à face, les partis vont se détruire. Lequel succombera le premier, je n'en sais rien. Mais je sais que les uns après les autres, ils succomberont. Donc, demain, Gilbert, on vous fera un crime de votre indulgence. Et, après-demain, peut-être auparavant, à vous, Billot, de votre sévérité. Croyez-moi, dans la lutte mortelle qui se prépare entre la haine, la crainte, la vengeance, le fanatisme, bien peu resteront purs. Les uns se tacheront de boue, les autres de sang. Partez, mes amis, partez. « Mais la France ?» dit Gilbert. « Oui, la France, » répéta Billot. « La France, matériellement, est sauvée, » dit Cagliostro. « L'ennemi de dehors est battu. L'ennemi du dedans est mort. Si dangereux que soit pour l'avenir l'échafaud du 21 janvier, il est incontestablement une grande puissance dans le présent. La puissance des résolutions sans retour. Le supplice de Louis XVI voue la France à la vengeance des trônes et donne à la République la force convulsive et désespérée des nations condamnées à mort. Voyez Athènes dans les temps antiques, voyez la Hollande dans les temps modernes. Les transactions, les négociations, les indécisions ont cessé à partir de ce matin. La Révolution tient la hache d'une main, le drapeau tricolore de l'autre. Partez tranquille. Avant qu'elle dépose la hache, l'aristocratie sera décapitée. Avant qu'elle dépose le drapeau tricolore, l'Europe sera vaincue. Partez, mes amis, partez. Oh, dit Gilbert, Dieu m'est témoin que si l'avenir que vous me prophétisez est vrai, je ne regrette pas la France. Mais où irons-nous? Ingrat, dit Cagliostro, oublies-tu ta seconde patrie, l'Amérique? Oublies-tu ces lacs immenses, ces forêts vierges, ces prairies vastes comme des océans? N'as-tu pas besoin, toi qui peux te reposer, du repos de la nature, après ces terribles agitations de la société? « Me suivrez-vous, Billot ? » demanda Gilbert en se levant. « Me pardonnerez-vous ? » demanda Billot en faisant un pas vers Gilbert. Les deux hommes se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. « C'est bien, » dit Gilbert, « nous partirons. »« Quand cela ?» demanda Cagliostro. « Mais dans 8 jours. » Cagliostro secoua la tête. « Vous partirez ce soir, » dit-il. « Pourquoi ce soir ?»« Parce que je pars demain. »« Et où allez-vous »« Vous le saurez un jour, ami. »« Mais comment partir ?»« Le Franklin, appareil dans 36 heures pour l'Amérique. »« Mais des passeports. »« En voici, mon fils. » Cagliostro alla ouvrir la porte. « Entrez, Sébastien. Votre père vous appelle. » Le jeune homme entra et vint se jeter dans les bras de son père. Billot soupira profondément. « Il ne nous manque plus qu'une voiture de poste, » dit Gilbert. « La mienne est toute attelée à la porte. » répondit Cagliostro. Gilbert alla à un secrétaire où était la bourse commune, 1 000 000 de louis, et fit signe à Billot d'en prendre sa part. « Avons-nous assez ?» dit Billot. « Nous avons plus qu'il ne faut pour acheter une province. » Billot regarda autour de lui avec embarras. « Que cherchez-vous, mon ami ?» demanda Gilbert. « Je cherche, » répondit Billot, « une chose qui me serait inutile si je la trouvais, puisque je ne sais pas écrire. » Gilbert sourit, prit une plume, de l'encre et du papier. « Dictez, » fit-il. « Je voudrais envoyer un adieu à Pitou, » dit Billot. « Je m'en charge pour vous. » Et Gilbert écrivit. Quand il eut fini, « Qu'avez-vous écrit ?» lui demanda Billot. Gilbert lut. « Mon cher Pitou, nous quittons la France, Billot, Sébastien et moi, et nous vous embrassons bien tendrement, tous trois. Nous pensons que, comme vous êtes à la tête de la ferme de Billot, vous n'avez besoin de rien. Un jour, probablement, nous vous écrirons de venir nous rejoindre. Votre ami, Gilbert. « C'est tout ?» demanda Billot. « Il y a un post-scriptum, » dit Gilbert. « Lequel ?» Gilbert regarda le fermier en face et dit « Billot vous recommande Catherine. » Billot poussa un cri de reconnaissance et se jeta dans les bras de Gilbert. 10 minutes après, la chaise de poste qui emportait loin de Paris Gilbert, Sébastien et Billot roulait sur la route du Havre.